Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des dossiers les plus épineux de la Ve République, un dossier en cours, l'attentat de Karachi le 8 mai 2002 au Pakistan. Une intrigue qui fait peser de lourds soupçons sur certains de nos responsables politiques. Ouvrir le dossier Karachi, c'est tenter de se glisser en effet dans les failles d'un immense mur du silence. Affaires politiques, diplomatiques, industrielles, militaires et financières, autant d'éléments disséminés aux quatre coins du globe façon puzzle, dispersés dans plusieurs dossiers judiciaires, mis à l'abri dans des coffres blindés ou encore sous la tutelle du secret défense, un cadenas dont beaucoup de journalistes et enquêteurs essaient toujours de trouver la combinaison. Ici, dans les arcanes de la République, la morale et la vertu cèdent la place à l'opacité et au secret. Ce qu'on a compris malgré tout, c'est qu'il y a deux affaires dans l'affaire, chacune avec ses propres questions et avec le sentiment que toutes les deux semblent être liées, semblent seulement, car rien ne prouve au moment où nous parlons. L'enquête sur l'attentat de Karachi se poursuit, on ne sait toujours pas qui l'a perpétré. Maintenant, dans le volet financier de l'affaire, c'est-à-dire soupçon de financement occulte de la campagne électorale de 95, deux hommes, Édouard Balladur et François Léotard, ont comparu devant la Cour de justice de la République depuis du 19 janvier au 2 février pour des faits commis pendant leur fonction de ministre et premier ministre, soupçonnés de complicité d'abus de biens sociaux et de recel de ces mêmes délits, rendus du jugement le 4 mars. Notre invité aujourd'hui, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans tout cela, Corinne Audouin, journaliste au service enquête justice de France Inter. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 8 mai 2002, il est 6h15. Le jour se lève sur Karachi, immense mégalopole de 18 millions d'habitants située sur les rives de la mer d'Arabie. Poumon économique du Pakistan, la ville est aussi l'épicentre des tensions interethniques et religieuses. Ici, dans cette fourmilière de rues et de ruelles bruyantes et étouffantes, on vit au rythme des attentats, des enlèvements et des fusillades. Un quotidien tragique devenu malheureusement banal avec le temps. À l'écart de cette agitation, dans le sud de la ville, le port abrite le quartier général de la marine pakistanaise. L'endroit est stratégique pour les autorités d'Islamabad, car c'est ici qu'on construit des sous-marins d'attaque à l'écart des regards indiscrets. De classe Agusta, c'est son nom. Ces machines conventionnelles, au sens où elles n'embarquent pas de propulsion nucléaire, sont de fabrication française. Depuis 1994, un contrat d'armement avec transfert de technologie lie la direction des chantiers navals, la DCN de Cherbourg, à la Navy pakistanaise. Il n'est donc pas rare de croiser dans l'arsenal des techniciens et des ingénieurs français en charge de superviser les différentes phases de la construction. Par groupe d'une trentaine, ils se relaient ici, au Pakistan, pendant plusieurs semaines, tout au long de l'année. En cette matinée du 8 mai 2002, le temps est déjà chaud et sec. À l'hôtel Avary, les techniciens de la DCN déjeunent et préparent leurs affaires. Parmi eux, il y a Gilles Sanson, un mécanicien. C'est son 5e voyage au Pakistan en l'espace de 3 ans. Il travaille à la confection de tubes lance-torpilles pour les sous-marins. Et si, comme ses collègues, il a accepté de venir au Pakistan, c'est pour l'importante prime promise par son employeur, mais aussi parce qu'on lui a fait comprendre que ses séjours étaient nécessaires pour la suite de sa carrière à la DCN. Il est 7h30 lorsque le bus arrive devant l'hôtel. Gilles monte à bord, salue le chauffeur et l'agent de sécurité armé qui accompagne le groupe. Puis, un à un, ses collègues le rejoignent. Premiers éclats de rire, première blague. À 7h40, quelques centaines de mètres plus loin, le bus fait un second arrêt devant l'hôtel Sheraton, là où sont hébergés les ingénieurs de la DCN. Le reste des troupes monte à bord. Quand soudain, le bus est violemment percuté sur le flanc gauche, puis c'est le chaos. S'ensuit une formidable explosion, des sirènes, des cris. Au milieu de toute cette agitation, le bus est là, éventré, en flammes. Il est 7h45 à Karachi. La situation vient de basculer dans l'horreur. décalage horaire, la France est encore profondément endormie lorsque les téléphones de la cellule de crise des Quai d'Orsay se mettent à sonner. Les premières informations en provenance du consulat général de Karachi ne laissent planer aucun doute sur la gravité de la situation. Oui, il s'agit bel et bien d'un attentat à la bombe et il y aurait de nombreuses victimes françaises. Il est 7h du matin, heure de Paris, lorsque la nouvelle fait le tour des ministères. Les mines sont graves. Nous sommes le 8 mai, jour de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République, Jacques Chirac, doit se rendre sous l'Arc de Triomphe pour la cérémonie annuelle, en présence des anciens combattants. Averti de la situation, le président décide malgré tout de ne pas bouleverser son agenda de la journée. C'est ainsi qu'à 10h, ce 8 mai 2002, sous le regard des caméras, la France présente au monde deux visages. À Paris, la cérémonie bat son plein au des Champs-Élysées. Sur la tribune installée place de l'Étoile, on assiste à des scènes d'embrassades et de félicitations entre les ministres du nouveau gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Au même moment, à 250 km de là, sur le site de la direction des chantiers navals à Charbourg, l'ambiance est tout autre, comme en témoigne cette scène filmée sur le vif par des journalistes. Ivre de douleur, cette jeune femme vient d'apprendre la mort de son mari tué dans l'attentat. Il avait 27 ans. Cherbourg est en état de choc. 7 salariés de la direction des chantiers navals ne rentreront pas. Toute la journée, les familles se rendent à la cellule d'urgence pour obtenir des informations, du réconfort ou malheureusement remplir les dernières formalités. Mon frère est décédé ce matin. Dans Et comment l'avez-vous appris ? Ben, disons que moi j'étais chez ma belle-sœur, savoir... Elle n'était pas trop au courant, et puis le directeur de l'Arsenal est venu me prévenir. Cherbourg, ville meurtrie, compte ses morts. 11 au total. Parmi eux, des pères de famille, des frères, des cousins, des amis, des voisins. Toute la ville est sous le choc. À cela s'ajoutent 14 blessés, dont certains dans un état grave. Les informations en provenance de la cellule de crise de Quai d'Orsay s'égrènent. Minute après minute, devant la préfecture maritime de Cherbourg, les familles arrivent, les unes après les autres. À 13h, la nouvelle de l'attentat fait l'ouverture des journaux de télé et des flashs radio. Les Français découvrent alors des images d'une violence inouïe, notamment cette carcasse de bus déchiquetée sur laquelle on voit des hommes aller et venir pour dégager ce qui semble être des corps. Scène apocalyptique. Sur France Inter, le correspondant de RFI, Pierre Pragache, raconte... Les témoins présents ce matin devant l'hôtel Sheraton à Karachi font part de véritables scènes d'horreur. Des débris humains éparpillés à des dizaines de mètres à la ronde, des blessés gravement mutilés appelant désespérément à l'aide. Manifestement, l'explosion a été d'une violence inouïe, secouant la ville sur des kilomètres. Elle s'est produite un peu avant 8 heures alors que les ingénieurs français de la DCN prenaient place dans la navette. C'est alors qu'une voiture piégée qui attendait apparemment à proximité est venue percuter le bus de plein fouet. Quelques secondes plus tard, il ne restait plus qu'un amas de tôles et des membres dispersés. Dans un premier temps, ce sont les passants qui ont arrêté les automobilistes pour emmener les blessés à l'hôpital. Puis le périmètre a été bouclé et les secours sont arrivés. Par communiqué de presse, l'Élysée réagit et affirme tout mettre en œuvre pour rapatrier les survivants et faire toute la lumière sur cet attentat. Dans l'urgence, Jacques Chirac demande à sa nouvelle ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, de se rendre immédiatement sur place. Le lendemain, à son arrivée à Karachi, la ministre est accueillie par les plus hauts responsables du pays. Sur le lieu de l'attentat, les enquêteurs du parquet antiterroriste font les premières constatations et les premiers prélèvements. Dernière étape de ce voyage, de quelques heures à peine, l'hôpital Aga Khan, au chevet des blessés. Michèle Alliot-Marie s'entretient avec plusieurs d'entre eux, dont Jérôme Eustache, chaudronnier à la DCN. On s'est arrêté pour prendre des collègues à l'hôtel. Et c'est au moment que les collègues montaient qu'une explosion s'est produite. On est un peu abasourdi, un peu assommé, donc les choses vont quand même assez vite. Puis on regarde déjà si on est intact et puis après bon bah on est déjà dans l'ambulance et les premiers soins arrivent. Vous avez perdu beaucoup de collègues ? Je sais pas. À quelques mètres de lui, tout aussi traumatisé, c'est Gilles Sanson. Il est le seul à ne pas avoir perdu connaissance lors de l'explosion. Il est aussi le premier à qui les ambulanciers ont porté secours. À la force des bras, il a réussi à s'extraire du bus, en rampant. Aux urgences, à l'hôpital, il a vu arriver les uns après les autres les corps de ses collègues intégralement recouverts d'un drap blanc souillé de rouge. Comme Jérôme Eustache et tous les autres survivants, Gilles était assis à l'avant du bus et c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Quelques heures plus tard, les 14 rescapés de l'attentat prennent place à bord d'un Airbus médicalisé qui les ramène en France. La fin des cauchemars pour certaines des familles, le début des questions pour les autres. Au même moment, dans l'Hexagone, on cherche à comprendre pourquoi et surtout qui a pu commettre un tel acte. En plein contexte post-11 septembre, quelques semaines après l'enlèvement et le meurtre du journaliste américain Daniel Pearl, ici même à Karachi également, tous les regards se tournent naturellement vers Al-Qaïda. Toute la presse se fait l'écho de cette interrogation, mais les avis divergent. Le journal Le Monde joue la carte de la précaution en parlant d'une possible piste islamiste. L'hebdomadaire L'Express, lui, est plus catégorique dans son article intitulé « La marque de Ben Laden ». Sur France Inter, le journaliste Lionel Thompson propose son décryptage. Al-Qaïda, dont les réseaux peuvent très bien agir au Pakistan. D'une part, la frontière avec l'Afghanistan est poreuse. De nombreux talibans ont trouvé refuge côté pakistanais. Des hommes d'Al-Qaïda ont pu s'y replier aussi. On a même dit à plusieurs reprises que Ben Laden lui-même pourrait s'y trouver. D'autre part, Al-Qaïda possède des appuis au Pakistan et plusieurs groupes islamistes radicaux ont appelé au djihad contre les pays qui participent à la guerre contre les talibans. Ils veulent aussi déstabiliser le président Musharraf, coupable à leurs yeux d'avoir choisi le camp de l'Occident. Ces groupes prolifèrent à Karachi, la piste d'une représailles contre la France, pays occidental qui participe à la guerre en Afghanistan, de la part d'Al-Qaïda ou d'un groupe qui le soutient, est plausible. Effectivement, au Pakistan, avant même toute enquête, les autorités désignent déjà Al-Qaïda et ses réseaux comme les commanditaires de l'attentat. Pour montrer toute sa bonne foi, la police pakistanaise effectue des descentes dans les milieux islamistes et procède à de multiples interpellations. On diffuse également les portraits robots d'individus déjà fichés pour terrorisme et une récompense de 2 millions de roupies, 37 000 euros. Elle est offerte à quiconque permettra l'arrestation des suspects. Des mesures qui n'apportent pas d'éléments concrets, mais qui donnent l'impression que l'enquête avance. Au-delà de la piste criminelle, l'opinion publique s'interroge également sur la responsabilité éventuelle de la DCN dans cette affaire. Était-il prudent d'envoyer des personnels français au Pakistan alors que la situation sur place depuis le 11 septembre était des plus préoccupantes? Interviewé sur France 2, le directeur des chantiers, Jean-Marie Poinboeuf, répond. Nous n'avions aucune menace qui nous avait été signalée. Bien entendu, la sécurité fait partie de nos priorités. Nous avions pris des mesures en coopération avec les autorités pakistanaises pour assurer la protection de nos personnels. C'est ainsi que ces personnels se trouvaient dans un bus de la marine pakistanaise, protégés par la marine pakistanaise, et que nous avions rassemblé l'ensemble de nos personnels dans deux hôtels pour pouvoir assurer au mieux leur sécurité. Lundi 13 mai 2002, Cherbourg. Cinq jours après le drame, la pluie et le froid s'invitent à la cérémonie d'hommage national aux victimes de l'attentat. L'émotion est immense dans toute la ville. Preuve de leur soutien et de leur compassion, les commerçants ont baissé leurs stores et accroché des rubans noirs au fronton de leurs échoppes. Les rues de l'agglomération sont vides. Dans les usines alentour, on observe une minute de silence. En cette fin de matinée de mai, les esprits sont en novembre. Ici, tout le monde ou presque connaît quelqu'un qui travaille ou travaillait à l'Arsenal. Paradoxe de la situation, les familles des disparus n'ont ni choisi ni souhaité d'aller leur peine au grand jour devant une armée de photographes et de caméramans. Mais aujourd'hui, personne ne semble leur laisser le choix. Sur le lieu de la cérémonie, les parents et proches des victimes sont assis sous un chapiteau blanc. Devant eux sont alignés les cercueils recouverts de drapeaux tricolores avec à l'extrémité de chacun la photo du disparu. À 11h, Jacques Chirac prend la parole d'un ton solennel. La France est en deuil. Cherbourg est meurtri. Ce crime est monstrueux. Ses auteurs seront punis. Il ne peut y avoir de sanctuaire pour les terroristes. C'est un combat que nous avons engagé et que nous poursuivrons sans relâche, en France et à l'étranger. Ma détermination, comme celle du gouvernement, est totale. Nous ne céderons ni à la menace, ni au chantage. Une fois son discours terminé, Jacques Chirac fait quelques pas en direction des familles et se penche sur chaque cercueil sur lesquels des coussins de velours bleu sont posés. Le président y agrafe la Légion d'honneur. Au micro de France Inter, une employée de la DCN retrace le parcours des 11 victimes de l'attentat. À quelques mètres de là, Jean, ancien de la DCN, fait part de son émotion. Je perds un copain, un frère, plus qu'un copain, c'est un frère, puisque je l'ai vu rentrer à l'arsenal après ses études. Sur le sous-marin, il fallait quand même bien s'entendre. Il fallait une équipe soudée. Claude, petit Claude. J'aimais l'appeler petit Claude. Je ne pensais pas aujourd'hui, moi, que ça soit moi, à l'âge de 62 ans, que ça soit moi qui aille le mettre à sa dernière demeure. Six jours plus tard, alors que l'émotion en France est encore vive, un dénommé Moussa revendique au Pakistan l'attentat de Karachi ainsi que l'assassinat du journaliste américain Daniel Pearl, le tout au nom d'une obscure organisation islamiste. La piste est mince et malgré les doutes de certains experts, la justice va l'explorer. À Paris, une information judiciaire est ouverte contre X pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'enquête est confiée au juge Jean-Louis Bruguère. Sous sa tutelle, l'enquête s'oriente dans une seule direction, la piste islamiste. Le juge en est convaincu, l'attentat de Karachi, c'est la réponse d'Al-Qaïda à la présence militaire française en Afghanistan. Un raisonnement simple, logique d'ailleurs, l'actualité de cette fin d'année 2002 semble lui donner raison. Dans un clip vidéo diffusé sur la chaîne Al Jazeera et dans sa logorée habituelle, Oussama Ben Laden inclut l'attentat de Karachi dans la liste des ripostes face à l'impérialisme occidental. Un mois plus tard, en décembre, la police pakistanaise arrête deux hommes suspectés d'avoir fabriqué la bombe et organisé l'attentat. Pendant les mois qui suivent, les choses se tassent. Il faudra attendre la première commémoration de l'attentat en mai 2003 pour que le dossier Karachi fasse de nouveau reparler de lui. Pour l'occasion, le juge Bruguère reçoit les familles des victimes au palais de justice de Paris et s'entretient avec eux des avancées de l'enquête. Face aux caméras, il affirme qu'il poursuivra ses investigations jusqu'au bout et qu'il traduira les coupables devant les tribunaux français. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déterminés dans l'action, dans la résolution, donc d'aboutir. Bon. Et aux côtés du reste de l'ensemble des autorités françaises et au premier lieu du ministère public dont la présence à mes côtés, de M. Maître, montre clairement l'intérêt apporté par le parquet, et le soutien et dans l'action donc de l'ensemble de la justice. Quelques semaines après les déclarations du juge Bruguière, la justice pakistanaise condamne à mort les deux suspects déjà en détention. Le message est clair, 13 mois tout juste après l'attentat, l'affaire est close. Pourtant, de l'avis de nombreux experts, toute la lumière n'a pas été faite dans ce dossier. De plus, comment expliquer que les analyses des enquêteurs français et pakistanais n'aillent pas dans le même sens? Comment justifier enfin que la justice française ne se soit concentrée que sur cette piste Al-Qaïda? 4 ans plus tard, un nouveau juge d'instruction est nommé. 4 ans pour que des journalistes de Mediapart mettent la main sur d'incroyables documents pour qu'enfin l'enquête soit relancée et que l'affaire de l'attentat de Karachi ne s'embourbe pas. तू कर ढोलना रो रो के मैं दिया सदा तू कर ढोलना क्षमा पिया तेरे बिना तू कर Yeah. On avait tout de suite évoqué un acte des islamistes quand un autocar avait explosé à Karachi, au Pakistan, le 8 mai 2002. Cet attentat avait entraîné la mort de 14 personnes, dont 11 Français. Des Français employés à la construction de sous-marins livrés par la France à la marine pakistanaise. Depuis quelques jours, une autre piste est mise en avant, celle d'officiers supérieurs pakistanais. Ils auraient commandité cet acte criminel, mécontents de ne pas avoir empoché les commissions financières qui leur auraient été promises par notre pays. Automne 2008, alors que le dossier Karachi semblait avoir trouvé sa place dans les cartons d'archives au fond des bibliothèques du Palais de Justice de Paris, l'affaire refait soudainement surface et s'invite en une de l'actualité grâce aux révélations de Mediapart. Deux des journalistes du quotidien indépendant en ligne ont mis la main sur deux documents de premier ordre. Des pièces saisies par les juges à la DCN dans le cadre d'une enquête sur une toute autre affaire et qui viennent contredire la version officielle de l'attentat sur laquelle tout le monde, enfin ou presque, s'était entendu, l'attentat terroriste style Al-Qaïda. Au cœur de l'article de Mediapart, signé par Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme, on découvre des extraits sidérants des deux précieux documents qui, lus l'un après l'autre, permettent de décrypter cette affaire sous un angle inédit. Le premier d'entre eux est un rapport qui porte le nom de Nautilus, rédigé par un ancien haut gradé du contre-espionnage français, Claude Thévenet. Il est daté du 11 septembre 2002, soit 4 mois seulement après l'attentat. On peut y lire entre autres. Après de nombreux contacts, tant en Europe qu'au Pakistan, nous parvenons à la conclusion que l'attentat de Karachi du 8 mai 2002 a été réalisé grâce à des complicités au sein de l'armée et au sein des bureaux de l'ISI, les services secrets pakistanais. L'auteur du rapport poursuit, les personnalités à l'origine de l'attentat sont des militaires qui ne poursuivaient qu'un but financier, à savoir le non-versement de commissions qui leur avaient été promises par la France à l'occasion de la signature du contrat portant sur les sous-marins Agosta en 1994 avec le gouvernement d'Édouard Balladur. Commission arrêtée sur ordre de Jacques Chirac. Agosta. Le même nom que celui des sous-marins sur lesquels travaillaient à Karachi les techniciens et ingénieurs de la DCN au mois de mai 2002 lorsqu'a eu lieu l'attentat. Plus étonnant encore, le second document qui semble justifier les insinuations contenues dans le premier. Il s'agit d'un mémorandum de l'ancien directeur financier de la direction des chantiers navals, Gérard-Philippe Menayas, rédigé le 29 avril 2008 par un homme que son entreprise accusait de tous les maux pour mieux se protéger de ses propres dérapages. Il résume de manière synthétique 20 ans de corruption par plusieurs gouvernements sur plusieurs contrats internationaux en lien avec la DCN. Le mémorandum explique de façon simple comment l'État, actionnaire majoritaire, a corrompu des premiers ministres, des chefs d'État, des militaires, pour arracher les contrats d'armement et comment une partie de cet argent est revenue en France sous forme de rétrocommissions pour financer les campagnes électorales, notamment. Pour Maître Olivier Maurice, avocat des familles, ces révélations sont évidemment d'une extrême gravité. C'est une très grande surprise et une très grande colère de la part des familles, parce qu'elles s'aperçoivent que, au plus haut niveau de l'État français, on avait des informations dès 2002 et qui pouvaient faire un lien entre le mobile de cet attentat anti-français et une affaire de vente de sous-marins qui se serait passée dans des conditions assez troubles, voire occultes, avec même des possibilités de rétrocommission au sein d'un certain nombre de partis politiques français. Les familles des victimes souhaitent maintenant obtenir des explications. Comment se fait-il qu'on leur a caché un rapport établi depuis 2002, alors que ce rapport fait un lien direct entre cet attentat et cette affaire de vente de sous-marins? Et je pense que nous sommes maintenant sur une piste qui est extrêmement sérieuse. C'est parce que la parole de la France n'a pas été honorée qu'on aurait tué des ressortissants français. Ces nouveaux éléments intéressent la justice et en particulier le nouveau juge en charge du dossier, Marc Trévidic. Il se tourne d'abord vers la DGSE, notre service d'espionnage. Après plusieurs mois d'attente et plusieurs vagues de déclassification, il obtient des éléments inédits qui vont dans le sens de ceux déjà produits par Mediapart. En effet, dans plusieurs notes confidentielles, la DGSE exclut elle aussi l'implication d'Al-Qaïda dans l'attentat du 8 mai 2002. Grâce à ces nouveaux éléments à sa disposition, le juge Trévidic rencontre les familles des victimes de l'attentat à Cherbourg et leur annonce que la piste Al-Qaïda est abandonnée. Désormais, il faut envisager un autre scénario. À la même période, au Pakistan, la justice fait volte-face et acquitte les deux suspects condamnés à mort pour l'attentat de Karachi. Le premier château de cartes judiciaire s'écroule et l'affaire prend un autre visage. Sur fond d'attentat, il est maintenant question de détournement d'argent public. Pendant les mois qui suivent, l'affaire Karachi s'invite de nouveau à la une de toute la presse. Les enquêtes que mènent des journalistes de Mediapart, du Monde ou encore de France Inter débouchent toujours sur la même piste, ou plutôt sur les mêmes noms. Édouard Balladur, Premier ministre au moment de la signature du contrat Agosta, savait-il qu'une partie de l'argent des commissions allait revenir en France pour financer sa campagne? C'était le cas. On voit aussi à plusieurs reprises le nom de François Léotard, lui qui était ministre de la Défense et qui a supervisé de bout en bout la signature du marché sur les sous-marins. Mais sans conteste, celui qui retient toute l'attention, c'est Nicolas Sarkozy, ministre du Budget au moment des faits. Oui, bah, quel lien avec une vente de sous-marins, me direz-vous? Bon, il est simple. En France, quel que soit le contrat d'armement signé par l'État, il revient toujours au ministre du Budget de l'étudier et de le signer. Donc, s'il y a eu commission et ou rétrocommission, comme l'affirment les documents produits par Mediapart, alors Nicolas Sarkozy ne pouvait pas les ignorer. Le 19 juin 2009, en marge d'un sommet européen à Bruxelles, devenu entre-temps président de la République, Nicolas Sarkozy est pour la première fois interrogé sur l'affaire. La réponse est du genre « circulez ». Philippe Alfroy, de l'agence... Monsieur le Président, à votre droite. Philippe Alfroy, de l'agence France-Presse. Selon les informations qui ont été rapportées hier à la suite d'une réunion entre les parties civiles dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction, il semblerait que l'origine de l'attentat ne soit pas due à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles de l'État pakistanais après le non-versement de commissions. On parle même de rétro-commissions qui auraient dû alimenter la campagne électorale d'Edouard Balladur en 95. Est-ce que, en tant que ministre du Budget, vous avez été au courant de tels accords? Vraiment, c'était pas la peine de vous mettre à ma droite pour parler de ça. Franchement. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Soit il y a des éléments, donnez-les nous. C'est grotesque. Alors, raisonnement, là. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite, et ça donne Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Mais qui peut croire à une fable pareille? On est dans un monde où tout se sait, où la notion de secret d'État n'existe plus. Et vous étiez pas au courant non plus, non? Non, peut-être pas. Vous étiez peut-être journaliste à cette époque-là, peut-être à ce moment-là, je vous arrête. Non, non pardon, hein. Je ris pas du tout, parce que Karachi, c'est la douleur de famille, tout comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille répondre là-dessus? Pour le l'autorité judiciaire, il existe un fort soupçon. Le camp Balladur aurait financé sa campagne présidentielle de 95 en partie grâce à de l'argent des rétrocommissions sur le contrat des sous-marins Agosta. Au fil des semaines, de nouveaux noms font d'ailleurs leur apparition dans la presse en marge du dossier d'instruction. Ils mettent en lumière tout un réseau de l'ombre qui aurait opéré derrière cette affaire de vente d'armes au Pakistan. Parmi eux, Ziad Takieddin, mystérieux homme d'affaires libanais qui a servi d'intermédiaire à la transaction. Nicolas Bazir, directeur du cabinet d'Edouard Balladur et proche de Nicolas Sarkozy. Apparaît aussi un autre nom, celui de Thierry Gobert, chef du cabinet au ministère du budget d'alors, Nicolas Sarkozy. Tous trois sont soupçonnés par la justice d'avoir participé ou d'avoir eu vent des montages financiers occultes qui auraient permis à l'argent des commissions du contrat Agosta de revenir en France. Mais pour accuser un président de la République en exercice, un ancien premier ministre ou tout autre responsable ou ancien responsable politique, enfin tout le monde, il faut des preuves. Preuves que la justice n'obtient pas, ou plutôt qu'on lui empêche d'obtenir. L'action du juge Trévidic pour l'obtention de documents étant entravée à plusieurs niveaux par le pouvoir exécutif en raison du sacro-saint secret défense. Tout aussi préoccupant, la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale chargée d'établir les circonstances de l'attentat est contrariée dans son action. Comme en témoigne l'un de ses deux rapporteurs, celui qui était alors député PS et maire de Cherbourg, Bernard Cazeneuve. Jamais je n'ai été confronté à tant de difficultés pour accomplir une mission d'information parlementaire. Les difficultés auxquelles nous avons été confrontés dans le cadre de ce travail parlementaire sont difficultés de relation avec l'exécutif. Nous avons souhaité obtenir des éléments que nous n'avons pas obtenus et qui auraient pu être très utiles pour faire avancer la vérité, pour l'efficacité de notre contrôle. Comme quel type de documents ? Des documents qui sont des documents classifiés, par exemple. Et vous aurez la liste des documents que j'ai demandé et la liste des documents, par conséquent, que je n'ai pas obtenus. Lorsque j'ai été rapporteur de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda, j'ai eu à décortiquer 15 000 pages de documents déclassifiés. 15 000 pages. Là, j'en ai pas eu une. On a été confronté à des blocages absolus. Que pensait tout cela ? Et que nous disent tous ces éléments ? On sait aujourd'hui qu'à son arrivée à l'Élysée en 95, Jacques Chirac et son ministre de la Défense Charles Millon ont découvert le stratagème des commissions sur le contrat Agosta et qu'ils ont décidé de l'interrompre. Pour autant, est-ce là la réelle cause de l'attentat de Karachi qui a fait 11 morts et 14 blessés parmi les agents de la DCN ? Même si à ce jour, aucune preuve formelle ne permet d'établir un lien entre ces deux affaires, un faisceau d'indices et de terribles soupçons incite régulièrement la justice à ne pas écarter cette hypothèse selon laquelle, derrière l'attentat de Karachi, se cache un mensonge d'État. Tant de pluie tout à coup sur nos fronts. Sur nos champs, nos maisons, un déluge ici, l'orage en cette saison, quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait? Est-ce pour nous punir? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. Faut-il le fêter ou bien le maudire? Chercher dans le livre qui sait, au creux de ses versets, j'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le trait d'union. Une mendiante sur mon chemin, fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Pourquoi cette pluie? Pourquoi cette eau, ces nuages qui nous étonnent? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les armes quand ils ne savent plus pleurer. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'attentat de Karachi, donc, dont nous allons parler avec notre invitée Corinne Audouin. Bonjour Corinne. Bonjour Fabrice. Journaliste au service Enquête Justice de France Inter, faites comme chez vous, puisque vous êtes chez vous. il se trouve que vous avez suivi tout le procès devant la fameuse CJR, la Cour de Justice de la République, qui s'est tenue du 19 janvier jusqu'au 3 février, et le jugement sera rendu le 4 mars. Alors, il y a deux affaires, comme on vient de le raconter. Je précise que le récit que vous venez d'entendre avait connu sa première diffusion en mars 2016, que nous sommes maintenant en février 2021, il y a donc 5 ans. Un certain nombre d'événements se sont produits depuis, mais c'est la base. Donc on parlait dans ce récit de deux affaires, peut-être liées, pas forcément liées. Une affaire de terrorisme, une affaire de financement occulte présumé d'une campagne électorale. Bien, le lien n'est plus si évident que ça. D'abord, commençons par là. Et ouais. s'il y a d'ailleurs deux volets, c'est parce que le premier volet, l'enquête sur le premier volet aurait débouché, c'est une histoire de poupée russe. On refait le point à ce niveau-là déjà. Tout à fait. Il faut effectivement bien faire la différence entre l'attentat d'un côté et le volet financier de l'autre, parce qu'on a appelé ça l'affaire Karachi, parce que c'est plus simple pour tout le monde. L'affaire Karachi, voilà, c'est un nom qui est devenu comme ça un peu emblématique. Mais dans le volet financier, finalement, il n'est plus tellement question de Karachi. Alors, on va revenir à la base. L'attentat de Karachi, celui qui a fait 15 morts donc le 8 mai 2002 au Pakistan, est toujours l'instruction et toujours en cours. C'est instruit par les juges du pôle antiterroriste de Paris. Ça a été raconté dans le récit. Il y a eu le juge Bruguière, il y a eu le juge Trévidic. C'est actuellement le juge David Depasse qui enquête donc au pôle antiterroriste de Paris sur cette affaire. Et en fait, on n'a toujours pas réussi à étayer cette piste de représailles suite à l'arrêt de rétrocommission donc sur la vente de frégates au Pakistan et en Arabie Saoudite, de sous-marins au Pakistan, de frégates en Arabie Saoudite. Ça n'est toujours pas judiciairement étayé. Et ce qu'on comprend aussi, alors ça fuit très peu, vous savez évidemment qu'il y a le secret de l'instruction, mais c'est que la piste islamiste, hein, qui était la première envisagée, bah, elle est également toujours sur la table quand même. Elle revient en fait. Elle est toujours là, finalement, ouais. Elle n'a jamais été abandonnée parce qu'on est dans un contexte après l'attentat du 11 septembre 2001. Il y a eu l'intervention militaire française contre les talibans. Il y a toutes ces menaces contre les intérêts occidentaux à l'époque. Donc finalement, comme on n'arrive pas à étayer, à confirmer cette piste de la rétrocommission, de la vengeance, bah, la piste islamiste, elle est toujours là, elle est toujours présente. Les juges continuent d'enquêter, mais il faut savoir que le pôle antiterroriste de Paris, c'est eux qui ont géré les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre, l'attentat de Nice. Ils ont un travail énorme. Merci. Et cette affaire qui est ancienne, malheureusement, peut-être peut aussi souffrir de cette avalanche de dossiers qu'il faut terminer. L'enquête est toujours active, mais on n'a toujours pas la preuve que c'est lié à cet arrêt de rétrocommission. Ça veut dire que si on revient à la piste islamiste, ça veut dire que celle des représailles, présumées, parce que les rétrocommissions n'auraient pas été versées a pris du plomb dans l'aile, si j'ose dire. Elle n'est pas confirmée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver d'éléments autres que ce qui est raconté dans l'enquête qu'on a entendu, c'est-à-dire ce fameux rapport Nautilus, mais qui est rédigé par un ancien des services de renseignement qui cite son intime conviction. C'est un peu léger. Donc ensuite, on peut chercher, on enquête, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas à ce stade de nouveaux éléments. Et c'était intéressant pendant le procès, puisqu'on a évidemment aussi un peu parlé de l'attentat, même si c'était pas l'enjeu du procès devant la Cour de justice de la République. Il a été dit, puisque la thèse serait l'attentat est commis en représailles à l'arrêt de rétrocommission sur les contrats de sous-marins Agusta au Pakistan. Sur ces contrats, en fait, il y avait tout un système qui permettait aux intermédiaires d'être payés très vite. Mmh. C'est-à-dire un contrat, vous avez un échelonnement payé sur 10 ans, bah on va supposer, ça paraît logique, la première année, le Pakistan verse 10%, l'intermédiaire touche 10%. Non, l'intermédiaire, il a touché tout de suite tout. C'était très très bien négocié. Donc en fait, les commissions sur les contrats Agusta, quand les rétrocommissions s'arrêtent, elles ont déjà été toutes payées. Ah oui, donc ça donc, vous voyez, c'est compliqué de se dire que c'est la représailles de l'arrêt de quelque chose qui a été versé. Je prends bien. C'est assez complexe. Donc c'est vrai que cette thèse-là, elle n'est pas étayée, tout simplement. Bien, alors après il y a ce système de poupée russe, c'est-à-dire qu'à partir de l'enquête sur l'attentat, on arrive à une piste de financement électoral présumé, bien sûr, et donc, je passe certains épisodes, il y a eu le récit, on arrive au jugement, à deux jugements, dans deux juridictions pour le volet financier. Nous y sommes. D'un côté, les tribunaux correctionnels pour certaines des personnes, bah, celles qui n'étaient pas ministres ou premier ministre, et ces responsables-là, eux, sont passés devant la cour de justice. Le tribunal, oui, voilà, les ministres, vous voulez dire, d'accord. Tout à fait. Ouais. Donc, deux juridictions. Ce qui pose déjà un problème d'emblée, non ? Oui, c'est compliqué, parce que on a eu un premier procès qui s'est tenu devant le tribunal correctionnel de Paris, qui s'est tenu en septembre 2019, le jugement a été rendu en juin 2020, et là, ceux qui ont été jugés, c'est un petit peu, je crois que c'était Fabrice Arfi qui employait ce mot, qui était le premier invité de votre émission, je trouve que c'est tout à fait ça, c'est un petit peu les doublures des ministres, puisque vous aviez au tribunal Nicolas Bazire, qui était le directeur de cabinet d'Edouard Balladur, alors premier ministre entre 93 et 95, qui devient ensuite son directeur de campagne à partir du moment où il se déclare candidat en janvier 95. Donc Nicolas Bazire, vraiment l'homme de main, on va dire l'homme de main, mais très proche d'Edouard Balladur. Et vous avez entre guillemets la doublure de François Léotard, qui est Renaud Donnedieu de Vabre, qui est, alors qu'il a un rôle un peu différent, il n'est pas chef de cabinet, directeur de cabinet, il est chargé de mission, conseiller spécial, mais les gens qui les connaissent disent qu'il fonctionnait pas comme les doigts de la main, comme deux frères, ils se disaient tout, voilà, ils étaient extrêmement proches. Donc Renaud Donnedieu de Vabre, Nicolas Bazire, plus Thierry Gobert, qui lui à l'époque travaillait au ministère du budget avec Nicolas Sarkozy, plus les intermédiaires, dont Ziad Takieddine, en tout 6 personnes ont été condamnées en juin dernier, en juin 2020, dans cette affaire, en disant il y a bien eu des commissions, c'est ce que le tribunal dit, hein, des rétrocommissions complètement excessives, le réseau K, le fameux réseau a touché quand même 190 millions de francs pour ça y est, le réseau K pour King, parce que c'est un réseau qui était censé avoir l'accès direct au roi Fahd d'Arabie, donc K comme pour King. Donc ce réseau a généré énormément d'argent qui, dit le tribunal, n'a servi à rien, c'est-à-dire les contrats auraient été signés sans ça, c'est ce que dit le tribunal, et cet argent est revenu notamment à Nicolas Bazire, qui a été aussi condamné pour ça, pour avoir retouché de l'argent c'est pour Renaud Donnedieu de Vabre, qui a aussi été condamné pour avoir touché des rétrocommissions, c'est-à-dire avoir aidé à ce qu'on donne de l'argent à tous ces intermédiaires, on aide, on intervient auprès du ministère, on fait signer les contrats, et puis en retour, on en touche une petite partie, c'est ça les rétrocommissions. Donc ce jugement, il est quand même très sévère pour tous ces hommes-là, mais ce jugement, il ne concerne que ces hommes-là, et pas les ministres, parce qu'on ne peut pas les juger devant un tribunal correctionnel. Ailleurs que devant voilà, donc on les a jugés d'un côté. Alors il faut absolument préciser, c'est très important, sinon je vais me faire gronder, que tous ces gens-là ont fait appel. Les 6 ont fait appel. Alors ils sont condamnés assez durement. Hein. Nicolas Bazire est condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. 3 fermes. Ça veut dire 3 ans fermes, ça veut dire que ça n'est pas aménageable. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, si cette condamnation est confirmée, il ira en prison. Ils ont tous fait appel, tous les 6. Donc ça va être jugé et ils sont libres en attendant, les faits étant très anciens. Mais voilà, ils ont été jugés d'un côté, et puis là, on reprend, j'ai envie de dire, on reprend pas les mêmes justement, et on recommence, on prend les autres, les ministres, Balladur, Léotard, et on les juge devant une toute autre juridiction. Donc pas de confrontation possible. Et pas avec les mêmes. Donc ça, c'est quand même une vraie difficulté. C'est un vrai problème. La Cour de justice de la République, c'est aussi un décorum. C'est une juridiction très spéciale. Ah, c'est vraiment... En quelques mots. Et ensuite, on s'interrompra 3 minutes et on parlera des personnages. Mais déjà, le décor... Oui, c'est très particulier parce que c'est une cour qui se réunit pas très souvent puisqu'elle est là pour juger, c'est la seule qui est compétente pour juger les ministres pour des infractions commises en lien avec leurs fonctions. Si un ministre tue sa femme, il va être jugé à la cour d'assises, hein, c'est pas la question. D'accord. Là, c'est des faits commis en lien avec leur métier de ministre. Donc là, en l'occurrence, pour avoir fait signer des contrats, etc. Donc ces gens-là sont jugés par un tribunal tout à fait particulier qui est composé de 3 magistrats professionnels, 6 députés, 6 sénateurs sont des gens qui candidatent, qui sont élus par leur père pour l'être, pour toute la durée de la mandature, et tout autant de suppléants. Donc 3 plus 6 plus 6 multiplié par 2, je vous fais le calcul, ça fait 30. 30, ah oui, 30. Ils sont 30. Vous avez 30 juges. Vous ajoutez le parquet général, enfin l'accusation représentée par François Molins. Vous ajoutez la greffière. Enfin bon, il y a un monde de dingue. Vous arrivez dans ce à la première chambre de la cour d'appel à Paris. C'est là que ça se tient parce que c'est une très grande salle, une très belle salle décorée. C'était la cour des comptes à l'époque de la royauté. Donc vous voyez, vous imaginez le décor, quoi. Les dorures partout, la fleur de lys et tout. Vous avez une mezzanine pour la presse qui avait été mise pour le procès du maréchal Pétain, qui a été jugé ici dans cette même salle. Mmh. Donc c'est une salle incroyable. Et dans cette salle immense, avec 12 mètres sous plafond, des lustres incroyables, vous dites pour vous qu'il n'y en a pas un qui tombe, vous avez 30 juges sur deux rangées, tous en robe noire, parce que les juges députés et les juges sénateurs ont une robe de juge. Vous avez un petit côté tribunal de l'Inquisition en arrivant devant cette juridiction qui est effectivement assez impressionnant, un peu étrange, presque un petit peu anachronique. Corinne Audon, on se retrouve dans moins de 3 minutes pour continuer d'explorer les coulisses, même pas les coulisses d'ailleurs, l'espace public de cette CJR et de ce qu'on reproche à Léotard et Balladur. Donc je rappelle le tableau. Ces dernières semaines, comparaissaient Édouard Balladur, ancien Premier ministre, et François Léotard, ancien ministre de la Défense de ce même gouvernement Balladur. Ils comparaissaient devant la Cour de justice de la République, dont vous nous avez fait un portrait saisissant. Maintenant les acteurs. On va commencer par François Léotard. Que lui reproche-t-on? Qu'a-t-il dit? Comment s'est-il comporté? Alors François Léotard, aujourd'hui, il a 78 ans. On était tous assez impatients de le voir parce qu'il a un petit peu disparu complètement de la scène politique depuis de nombreuses années. Alors il est venu sans avocat. Il a dit « c'est mon honneur, donc je me défendrai seul », ce qui est devant une juridiction pareille pour des faits aussi complexes. On va dire assez audacieux, on s'attendait pas trop à ça. Il est renvoyé pour complicité d'abus de biens sociaux. Donc voilà, c'est ça précisément ce qu'on lui reproche. On lui reproche en fait d'avoir personnellement contribué à ce qui soit mis en place, ce fameux réseau K, d'avoir intrigué pour que ce réseau soit mis en place, en tant que ministre de la Défense à l'époque, pour faire signer des montants de commissions exorbitants, afin ensuite peut-être d'en bénéficier. En tout cas, lui n'a absolument pas touché un centime d'argent. D'ailleurs, il l'a dit, il a même dit « je n'ai jamais nagé dans la piscine de Monsieur Taquiedine ». Petit clin d'œil à Jean-François Copé ou d'autres qui ont été pris en photo à côté de Taquiedine. Et moi, j'ai jamais rien touché. Et alors, sa défense, écoutez, c'était quand même assez lunaire parce que on lui posait des questions assez précises, monsieur Léotard, sur tel contrat, pourquoi avez-vous validé tel montant de commission? Et il avait ces mots, il disait, écoutez, c'est de l'épicerie. Moi, je ne suis pas épicier. Moi, je m'occupais de la guerre en Bosnie. J'avais 5000 soldats en Bosnie. Moi, je m'occupais des morts du Rwanda. Savez-vous ce que c'est que de voir les pâtes au gaz d'un soldat mort à 25 ans? Enfin, des choses très lyriques. Il citait Albert Camus. Enfin, il partait dans des choses, mais complètement dingues. Et le président, essayant de le ramener au dossier en permanence, c'était assez étonnant. Il a refusé de répondre sur son patrimoine. Il a dit, je vais pas à vous dire combien je gagne d'argent. Et il a fini par envoyer une lettre au tribunal. Le dernier jour, il n'est pas venu. Il n'est pas venu pour le réquisitoire, il n'est pas venu pour la défense. Il a finalement une avocate qui est venue le défendre, qui était Brigitte Longuet, la femme de Gérard Longuet. Voilà, les amitiés politiques qui durent comme ça, c'est beau. Et là, il a dit, bon, j'ai 4 moutons dans mon jardin, si ça vous intéresse. Enfin, c'était à la limite du foutage de gueule, oui. Pardon, hein, pour pas être vulgaire, mais il y avait quelque chose. Pas pris au sérieux, soit il est très sincère, je sais pas, je pense qu'il est ailleurs. On avait le sentiment d'un homme qui a dépassé tout ça, à qui c'est complètement égal. Il a d'ailleurs dit, moi ça m'est égal, condamnez-moi. Il a dit, moi j'ai agi dans l'intérêt de la France, ces contrats, il fallait les signer parce que c'était les contrats, c'était les chantiers navals de Cherbourg, c'était l'emploi, c'était la France. Donc vous dites que ça a coûté cher, mais ça a aussi rapporté. Vous n'avez pas pris, le réseau K a été extrêmement utile, sans eux, on n'aurait pas signé les contrats. Et moi j'ai rien touché, je suis au courant de rien, rétrocommission, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc une défense quand même assez culottée, quoi. Édouard Balladur. Alors Édouard Balladur, lui, il a beaucoup moins changé. On rappelle son âge, hein, 91 ans aujourd'hui. 91 ans. Alors il est renvoyé également pour complicité d'abus de biens sociaux et recel de ses délits, puisque lui aurait, selon l'accusation, touché une partie de cet argent pour financer sa campagne. Alors lui, c'est très différent parce que vous avez l'impression qu'il est toujours Premier ministre. C'est incroyable. C'est-à-dire, moi, à son âge, mais j'espère avoir cette espèce de tenue. Il est droit comme un i. Alors, il marche assez lentement. Ouais. Il s'avance à la barre. Il a les cheveux tout blanc, il a un petit peu le visage amaigri, le costume très smart, la cravate parfaite, les boutons de manchette, il sort son stylo plume pour prendre des notes. Et puis il a toujours cette voix. Non mais voilà, vraiment c'est le même, vous dites c'est pas possible, c'est retour vers le futur. Et il vous dit, écoutez, tout ça ce sont des détails, je ne m'occupais pas des détails. Il dit, je n'ai absolument jamais validé de réseau de rétrocommission, je ne suis pas au courant, voyez, avec l'intendance en gros. Et surtout, il se défend absolument, parce que c'est là-dessus qu'on peut, un petit peu, que le tribunal a essayé de le coincer, c'est cet argent. Parce qu'il y a quand même un lien qui a été fait, et c'était vraiment la pièce centrale, majeure de toute cette affaire, c'est les 10 millions. Les 10 millions de francs. Je vous résume vite fait. 7 avril 1995, Ziatakedine retire 10 millions de francs de Suisse. Ouais. 26 avril 1995, 3 semaines plus tard, il y a 10 millions de francs en espèces qui arrivent sur le compte de campagne d'Edouard Balladur. Les juges se disent, c'est le même argent. Et en fait, on a passé tout le procès à dire, est-ce que c'est le même argent? Est-ce que c'est pas le même argent? On a parlé de coupures, des montants, des billets de 50, des billets de 100 francs, des billets usagés. Il y a vraiment quelque chose là-dessus. Et la défense d'Edouard Balladur était pas mauvaise en disant, mais rien ne prouve que c'est le même argent. Et c'est vraiment l'argent des collectes, des meetings, des t-shirts, des gadgets, tout ce qu'on a dit. Eh ben, on est toujours sur cette défense-là, encore aujourd'hui. 2021. Bien, oh, il reste 15 secondes. Nicolas Sarkozy, loin du dossier quand même, au bout du compte. Ministre du budget, mais loin du dossier. En tout cas, a priori, loin du dossier. Puis, il faut peut-être juste dire que ce qu'a demandé l'accusation, 1 an de prison avec sursis contre Édouard Balladur, 2 ans de prison avec sursis contre François Léotard, qu'on estime plus impliqué, que l'accusation estime plus impliqué. Donc ça, c'est les réquisitions. On va voir ce que va dire cette cour très particulière, qui n'a jamais été très sévère, il faut bien le dire. Pour l'instant, sa condamnation la plus sévère contre un ministre, 1 mois de prison avec sursis contre Jean-Jacques Urvoas. Ce sera le mot de la fin, Corinne Audouin. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Il en fallait. Ça paraît très compliqué. Puis si on gratte, on arrive à y voir clair. Si on a du temps, on y arrive. Il faut du temps aussi. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Karachi et ses différents volets. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait un Nord Cochet.